Bonjour à tous, messieurs, mesdames et personnes non binaires. Voilà, c'est Thomas Munier, donc j'interviens sur le podcast Frankenstein proposé par Felondra qui a pour thème le jeu de rôle peut-il changer les mentalités? Bah déjà, merci beaucoup à toi d'avoir lancé ce sujet qui est ma foi fort intéressant. Bon, c'est un petit marronnier, mais c'est un marronnier sur lequel il est intéressant de remonter, parce que justement, en ce qui me concerne, mon avis sur le sujet évolue quasiment en permanence. Donc, je vais essayer d'abord de me faire l'avocat du diable, en se demandant en quoi le jeu de rôle pourrait pas changer les mentalités. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que bah, quand on fait une partie de jeu de rôle, on n'est pas en train de faire autre chose, quoi. C'est-à-dire que on n'est pas en train de faire de l'activisme, on n'est pas en train de, je sais pas quoi, aller servir la soupe aux SDF, on n'est pas en train de débattre de politique. Voilà, il y a plein de choses en fait de justice sociale qu'on n'est pas en train de faire quand on est en train de faire du jeu de rôle, quoi. Quand on fait du jeu de rôle, on est juste entre amis et on discute. Je crois que c'est, il y a aussi un petit peu l'argument qui serait de dire, bah en fait, il y a beaucoup trop de matière ludique dans le jeu de rôle pour que ça fasse changer les mentalités, quoi. Entre les moments où on est passé à résoudre des défis, les moments où on lance des dés, tout ça, ainsi de suite. Il y a aussi ce fameux biais de confirmation, hein, c'est-à-dire que finalement on jouerait entre personnes qui se ressemblent, donc on a un peu tous le même avis à la table et du coup on voit mal comment on pourrait se faire évoluer les uns les autres puisqu'on est tous d'accord. Bon, sans parler aussi de l'argument comme quoi le jeu de rôle, en fait, ce serait avant tout un loisir de cadres sociaux, de cadres, enfin, ou en tout cas de catégories socio-professionnelles supérieures, quoi, que c'est un loisir de blanc, et ainsi de suite, enfin, pour aussi dire que c'est un loisir de garçon, puisque on doit pas arriver à 20% de filles encore aujourd'hui, hein, dans le jeu de rôle sur table, en tout cas. Les proportions sont très différentes hein, dans le GN et puis dans le jeu de rôle textuel, où les filles sont quand même nettement plus représentées. Bon, les personnes non binaires, j'ai pas pas du tout de. Je sais pas du tout à quel point elles sont bien représentées ou pas hein, dans le jeu de rôle. Je vais pas me prononcer là-dessus. Enfin bref, du coup, ça fait quand même. Quand je dis qu'on joue entre personnes qui se ressemblent, c'est pas forcément uniquement à notre table. Mais c'est finalement sur la masse rôliste en général, quoi. Donc voilà, je me suis fait un peu l'avocat du diable. Maintenant, je vais plutôt argumenter dans l'autre sens. Parce qu'en réalité, je suis quand même plutôt convaincu que jeu de rôle peut faire changer les mentalités. Alors, déjà, un petit peu de logique de base, entre guillemets. Le jeu de rôle, c'est une conversation. Hein, c'est ce que disent Vincent Baker et Émilie Kerbos. Bon, c'est assez difficile à remettre en cause, hein. C'est une conversation et bah, j'ai envie de dire, moi, si je m'interroge tous les changements de mentalité que j'ai pu opérer, il y en a quand même énormément qui sont passés par une conversation, quoi. C'est en discutant, en échangeant avec les gens que, eh ben, notre vision du monde, elle évolue, quoi. Et donc, par conséquent, le jeu de rôle étant une conversation, je vois pas pourquoi il aurait pas ce pouvoir. Bah là, de faire bouger notre vision des choses, quoi. Et j'irai plus loin en disant que c'est un peu plus qu'une conversation, c'est une sorte de conversation augmentée. C'est-à-dire qu'elle a un intérêt, on va dire, entre guillemets, pédagogique supérieur. C'est-à-dire que il y a la mise en fait, c'est une conversation, donc effectivement, on va amener des notions, donc on va apprendre des choses. Finalement, si nos mentalités évoluent, c'est principalement parce qu'on apprend de nouvelles choses. Donc déjà, j'ai envie de dire, quand un prof te fait un cours magistral, bon, tu peux. Bien sûr que tu peux apprendre, hein, surtout que tu te mets en position de réception, quoi. Mais c'est assez compliqué, quoi. Tandis que si tu as une conversation, il y a un truc émotionnel un peu plus mis en jeu. Donc tu vas, par l'échange, tu vas un peu plus retenir, en tout cas, les notions les plus importantes. Et puis, dans le jeu de rôle, il y a la mise en jeu et la mise en récit. Donc ça, c'est deux choses qui me paraissent augmenter le côté émotionnel de cette conversation, qui fait que tout simplement, on va beaucoup mieux retenir les notions qui sont amenées, quoi. Parce qu'en fait, les notions, on ne s'est pas contenté de les apprendre, on les a expérimentées, en fait. Il y a vraiment ce côté, voilà, on m'amène une notion et je l'expérimente directement, quoi. Donc ça fait partie de mes souvenirs, ça fait partie de ma mémoire. Donc voilà pourquoi c'est plus facile, je dirais, de retenir quelque chose à l'intérieur d'une partie de jeu de rôle. Évidemment, il y a, je l'ai nommé tout à l'heure, il y a toutes les scories. Bah, finalement, cette mise en jeu, cette mise en récit, elles prennent quand même du temps et de l'espace dans la partie. Mais je pense que les notions enrobées de tout ça, elles passent quand même beaucoup mieux, quoi. Aussi, ce qui me fait bon, je sais que je vais renvoyer au colloque Engagement et jeux de rôle, qui avait été fait à l'Université Villetaneuse en 2017. Donc là, il y a plein de tables de conférences qui portent directement, je pense, sur ce sujet-là. Hein. Alors, je sais que j'avais participé à une table ronde, et à l'époque, c'était une table ronde sur le jeu de rôle politique. Et à l'époque, moi, j'avais dit que je voulais pas faire de politique dans le jeu de rôle, quoi. Bon, bah déjà, je vois bien que j'ai évolué là-dessus, quoi. C'est-à-dire que maintenant, j'ai trouvé, en fait, entre guillemets, certaines luttes que j'ai envie de défendre. Et donc, fatalement, je me sens... bah, je suis amené à... Je peux pas les écarter en fait du revers de la main quand je fais du jeu de rôle, parce que même quand c'est pas le cœur de mon scénario ou de mon jeu, c'est des choses que je suis obligé de prendre en compte, que ce soit l'exploitation des animaux, que ce soit le sexisme ou l'appropriation culturelle, des choses comme ça. Bon bah voilà, je suis obligé de prendre ça en compte quoi. Quand on fait un podcast Influenza. On fait une partie d'Influenza, puis qu'on a joué un peuple premier. Bah maintenant, aujourd'hui, je me sens obligé de mettre un disclaimer pour expliquer que, grosso modo, on fait pas de l'appropriation culturelle, qu'on peut se tromper sur l'interprétation de ces personnes parce qu'on n'est pas déconcerné, enfin, ainsi de suite. Il y a plein de choses comme ça qui me sont venues par le jeu de rôle, par des discussions autour de parties. Là, je réécoutais le podcast de la cellule sur un serpent de cendre, hein, donc c'est un GN. Et à un moment, en fait, il y a une bagarre dans le GN, et en fait, en débrief, ça leur amène toute une discussion sur le fait de quand quelqu'un se fait agresser et qu'il y a plusieurs personnes qui assistent à l'agression, comment on fait pour empêcher qu'il y ait une inertie, c'est-à-dire que parce qu'en fait dans la bagarre personne n'intervenait en fait pour protéger la personne qui faisait agresser quoi. Et donc ils ont discuté de tout ça. En fait, ça nous ramène toujours à la vie réelle, hein, enfin tous les le moindre petit événement qu'on peut avoir dans une partie de jeu de rôle en débrief ou en méta, bah, ça va nous ramener à la vie réelle quoi. On va réfléchir dessus ensemble. Et donc on va forcément progresser parce que c'est pareil, moi j'y crois pas, cette histoire de on joue entre personnes qui se ressemblent. Évidemment qu'il y a une certaine homogénéité, mais elle n'est pas totale, quoi. Moi, j'ai appris énormément de mes pairs rôlistes, enfin, quand tu vas en convention, tu joues avec, t'es amené à jouer avec tout un tas de personnes qui sont pas du tout de ton milieu, quoi. Voilà, sinon je vais renvoyer vers le dossier jeux de rôle et animation. Hein. Donc il y a un gros dossier hein, qui est sur les courants alternatifs, où il y a en fait bah, un référencement de tout un tas d'initiatives autour du jeu de rôle qui me paraissent aller dans ce sens-là, quoi. Soit c'est des initiatives pour aider, transmettre par le jeu de rôle. Ou soit c'est vraiment dans l'objectif de transformer les personnes. Alors je vais en citer une comme ça, une ou deux. Par exemple, il y a le jeu de rôle, je crois que c'est 15 Days, où tu incarnes une personne qui souffre de la migraine, quoi. Et donc ça te permet de te mettre à la place en fait de la personne. L'île Clairance parle d'utopie et d'alibi. Dans les GN, en fait, elle explique que les GN, en tout cas les GN qu'ils pratiquent, hein, c'est des tiers-lieux, tu vois, c'est-à-dire des espaces communautaires avec des règles différentes. Typiquement, le Lire et la Vigne, c'est un jeu de rôle où un jeu de grandeur nature où on va faire partie d'une communauté polyamoureuse et artistique. Et donc, le temps du jeûne, tu vas expérimenter ça. Et fatalement, en tout cas, il y a eu des témoignages hein, dans ce sens-là, ça va, tu vas te mettre à réfléchir sur ces questions-là, quoi, ton avis va évoluer. Alors, on pourrait me répondre, ouais, mais en fait, si t'es pas ouvert à ces deux thématiques, la pratique artistique ou le polyamour, ou la vie en communauté, enfin bref, tu vas juste pas intégrer le GN. Mais je pense qu'en fait, on n'est jamais tout à fait conquis par une thématique. Visiblement, sur ce GN, il y a quand même un certain nombre de personnes qui y vont, soit qui n'avaient jamais fait d'art, quoi, soit qui étaient pas du tout polyamoureuse, quoi. Et donc, je pense que il faut faire un peu confiance à la curiosité de chaque personne. Et on accepte toujours de sortir un petit peu de notre zone de confort, d'aller sur des thématiques sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord ou pas forcément concerné, tout ça. Et puis, on se laisse emporter par le truc et puis on apprend des choses. Lille Clairance toujours parle d'anthropologie empathique, c'est-à-dire que le GN, mais on peut aussi parler du jeu de rôle sur table, hein, c'est une expérience anthropologique qui ressemble un petit peu à de l'observation participante. Et par l'anthropologie empathique, parce que ça nous enseigne l'empathie, ça nous permet de nous mettre à la place de l'autre, quoi. Dernière, voilà, je grille chrono. Dernier témoignage qui me paraissait intéressant, c'était l'article Changemakers for Kingmakers. Donc c'est un Américain qui se rend en Afrique. Je suis désolé, j'ai oublié dans quel pays il se rendait. C'est dans le dossier JDR Animation sur le forum des cours alternatifs. Et en fait, il fait jouer la campagne Kingmaker de Pathfinder, donc qui est une campagne visiblement de gestion de fief et tout, pour apprendre le leadership en fait à des jeunes Africains qui vivent dans des bidonvilles, hein. Et en fait, l'idée c'est pour leur apporter cette compétence de leadership dans la vraie vie pour qu'ils puissent monter des projets, des choses comme ça, quoi. Donc il y a une stratégie d'empowerment avec l'idée aussi c'est que au bout d'un moment l'animateur s'efface et en fait les jeunes se mettent à jouer la campagne de leur côté, quoi. Alors évidemment, je pense qu'il faut encore réfléchir plus en profondeur puisque il y a besoin, je pense, à mon avis, si on amène le jeu de rôle vers des milieux différents, il y a besoin d'adapter le média, peut-être notamment vers plus d'oralité, vers quelque chose de plus simple, enfin en tout cas moins demandant en matériel, parce que. Mais voilà, c'est des choses qui sont largement faisables, on a tout un tas de systèmes qui peuvent le faire. Je pense qu'il faudrait aussi aller en fait être encore moins descendant que ça, c'est-à-dire aller vers des milieux différents et avec des jeux, je pense à fort partage d'autorité, et puis leur demander en fait de créer le monde, de créer les intrigues, et puis nous on apporte juste un petit savoir-faire rôliste pour que et surtout pour que les personnes elles découvrent le jeu de rôle et puis que nous on découvre leur milieu, quoi. Il faut vraiment que ça aille dans les deux sens. Je pense que toute approche paternaliste me semble sinon vouée à l'échec, du moins un petit peu douteuse dans son approche. Un dernier point concernant le game design de jeu, en fait, si on veut créer des jeux politiques, bien sûr on peut faire un jeu à message, mais je pense que c'est pas la meilleure façon de s'y prendre. Ce qu'il faut, c'est amener un débat. Et par conséquent, moi, je préconise en fait de faire des jeux avec des règles qui soient contradictoires, soit des règles contradictoires entre elles, soit des règles contradictoires par rapport aux propos. Et je trouve que par exemple, Monostatos de Fabien Invine le fait très bien, puisque le propos du jeu est de jouer des héros libérateurs et émancipés, mais en même temps, les règles du jeu nous oppressent. Et ce qui pourrait ressembler à une faute de goût en termes de game design, je trouve, fait la vraie puissance du jeu, parce que justement, il nous amène vraiment à discuter autour de cette notion de qu'est-ce que c'est être un rebelle et est-ce qu'on est déterminé ou pas, quoi. Voilà, je suis désolé pour l'écrasage de chrono, ça se trouve Felondra il va queuter à mort dans mon truc. Allez, ciao, portez-vous bien.